fond pour quitter le quartier. Mais c'était ces bracelets qui fait que je suis bloqué dans ma tête. Le mauvais œil nous ont éparpillé. Une façon d'expliquer pourquoi c'est le bordel dans ma tête. Regarde celui-là, il fait le gros, il vend des grammes. Il gonfle les plaies, il fait le mec devant les dames. Et reste au naturel, arrête de te maquiller. C'est moi qui ai au volant de la caisse. Elle veut le salaire, les fesses à l'air. J'crois que j'vais la tuer. J'lui sers un verre, elle boit sa mère. Ça va pas durer. Ça y est, tous mes rois à mes côtés. On quitte la misère, tu savais. J'vais t'en faire une odeur. J'l'aurais pas viscère. Faut que tu coco, faut que tu coco tout. Elle fait coco, j'oublie tout tout tout. J'fais un tout tout. Tout le monde chou chou chou, c'est ton tout tout. Faut que tu coco court pour le Seigneur. Hey yo, le Seigneur. Hey yo, le Seigneur. Hey yo, le Seigneur. Allez-y, jactez de nous, y'a rien vous nous envier. Laisse-les sont jaloux de janvier à janvier. On vous fera du sale, nous tout passera en vie. Que des rafales de bottes, selon qu'est-ce que t'en dis. Allemande, grosse amende, on fait ce qu'il est fort. Nickel des mains, je lui dis test, il est mort. Allez-y, jactez de nous, y'a rien vous nous envier. Laisse-les sont jaloux de janvier à janvier. On grandit avec ça, le rhin et la poisse. Mais on fait avec ça, nous on veut quitter la thèse. Malgré les soucis, la crise, les poux qui avaient les defs. Je prendrai des risques juste pour vivre mes rêves. Il faut qu'on fasse la gif, plus jamais faire de trêve. C'est nous qu'on arrive, les magnettes et bronzères. Deux zones à risque où ça pue la misère. Y'a rien à la maison pour ça que les ravons viscères. On a connu le visto, gamin on rentrait tard. Les jaloux nous envient mais on est juste au départ. Enquêtez sur nos vies parce que la vôtre est bizarre. Je veux être tranquille, peinard pété sur le star. Je veux pas la vie de rêve, qu'on dise tout haut tu es star. M'en sortir j'espère sur la corniche le soir. On oublie la galère un peu quand on se met à boire. Nous on veut que des sources en balai. Couille de ta gloire. On dit coco, faut que tu coco tout. Elle fait coco, j'oublie tout tout tout. J'fais un tout tout. Tout le monde chou chou chou, c'est ton tout tout. Faut que tu coco court pour le Seigneur. Hey yo, le Seigneur. Hey yo, le Seigneur. Hey yo, le Seigneur. Allez-y, jactez de nous, y'a rien vous nous envier. Les soleils sont jaloux de janvier à janvier. On vous fera du sale, nous tout passera en vie. Des rafales de bottes, selon qu'est-ce que t'en dis. Allemande, grosse amende, mauvaise qu'il est fort. Niquez des mains, celui qui teste, il est mort. Allez-y, jactez de nous, y'a rien pour nous.